De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour, bienvenue sur Fadjet pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages en compagnie de Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Ça va bien ? Ça va et toi ? Bien sûr Noémie, bien sûr que vous retrouvez sur son site, hein, les outils de Noémie. Plein de bons conseils comme dans ses chroniques. C'est la troisième partie des messages risqués aujourd'hui. Ouais, il y en a plein hein, des messages risqués. Et oui. Et figure-toi qu'il m'est arrivé un truc, un gros problème de voiture. Je me suis retrouvé coincé. J'ai pas pu aller travailler et franchement, ça peut être très très embêtant. Oh là là, Yves, mais c'est la vie ça. Ah bah super. Ça te fait du bien d'entendre ça. Ça m'aide beaucoup. Bah c'est comme ça la vie, hein. Il y a des soucis tout le temps. Donc ça s'appelle éduquer en fait. Hein. C'est donner c'est des espèces de petites leçons comme ça. Bah, c'est la vie. Eh ben, ça fait vachement de bien à recevoir. Hein. Donc en fait, des fois, quand on est désemparé face à quelqu'un qui l'est, on peut sortir des petites phrases comme ça qui n'aident absolument pas. Donc je vous invite à éviter d'être en train d'éduquer l'autre et de sortir des phrases toutes faites. Et il y en a encore d'autres phrases toutes faites. Hein. Oh oui, bah là, par exemple, tu prends ça trop à cœur, ça doit venir de ton enfance malheureuse, t'as eu à avoir un trauma, là, la voiture, c'est rien. Alors, la voiture, c'est rien, c'est... C'est évidemment nier ton problème, mais quand on est en train d'essayer d'analyser comme si on allait chercher, on était un spécialiste de... Psychanalyse de garage, oui. Ouais, déjà, pour le coup, c'est ça. Pour le coup, c'est ça. Ça t'a aidé, là ? Ça doit venir de ton enfance malheureuse. Ah bah là, ça va raviver d'autres choses, peut-être, voilà. C'est ça. Voilà, donc ça ne va pas accompagner l'autre à se sentir mieux. Et l'idée, là, quand on est dans une conversation amicale, ce n'est pas d'enfoncer la personne. Donc, analyser, ça, c'est un truc qui est plutôt risqué, en fait. Et il peut y avoir des bons conseils, peut-être. Ah, bah, les bons conseils, ça dépend. Je sais pas si t'aimes bien recevoir, si je te dis, change de garagiste, c'est un incompétent, ce type. Oui, bah, il n'y a pas forcément de solution non plus. Des fois, on peut donner des conseils qui sont bons ou qui sont rationnels ou des choses comme ça. Mais si toi, ça vient de t'arriver ce matin, t'es encore dans ton émotion et t'as pas la lucidité, puis t'as peut-être aussi déjà des autres idées en tête qui sont déjà là. Donc, en te donnant le conseil, je t'attribue pas la ressource de trouver par toi-même la solution. Tout à fait. Je me mets en position haute, en fait. Je me dis, je vais lui dire ce qu'il a, à faire. Donc, c'est même des fois presque pareil que la solution. Hein, ouais. Si je te dis, je suis sûr là, ça, c'est la culasse, là. À tous les coups, c'est la culasse. Avec ce ton, en plus. Voilà, de garagiste. t'en sais rien. Hein, de ce non, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est juste un pneu crevé. Voilà, t'es coincé, t'en as marre, t'es juste exaspéré. Et quand on dit que c'est la culasse, on n'est pas en train de résoudre vraiment le problème. Des fois, donner la solution, quand on est en le nez dedans, c'est contre-productif. Et c'est surtout aussi, encore une fois, ne pas t'attribuer la ressource. C'est-à-dire que t'es quelqu'un, t'es un adulte. T'as les pieds sur terre, je t'attribue le fait que t'es capable de trouver par toi-même. Oui, c'est solution. Ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, simplement? Moi, je vous propose, encore une fois, d'être dans l'écoute et l'accompagnement empathique. Mm-hmm. Hein, d'accord? Je dis, t'es peut-être en colère, tu dois être en colère. En tout cas, moi, je le serais. Hein. Alors là, c'est contrariant, ça. Peut-être que là, tu vas peut-être te sentir plus accompagné. Je sais pas, qu'est-ce que ça te fait si je te dis oui, ça? Oui, effectivement, oui. Alors, si on a tendance à aussi avoir cet élan d'aider, on peut dire, écoute, aujourd'hui, j'ai du temps. Si tu veux, je peux t'aider à quelque chose. Ça, pour moi, on peut dire ce qui est acceptable pour toi, tu vois. C'est plus une solution constructive, en tout cas. En tout cas, c'est pas une solution qu'on impose en donnant la leçon. C'est, je peux me rendre disponible aujourd'hui ou comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider? Là, on laisse la place à l'autre. On n'est pas en train de décider pour l'autre. Ah bah c'est gentil de me prêter ta voiture, alors. écoute, si c'est faisable, c'est OK. Merci, Noémie. Merci, Yves. De quoi on parlera la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, j'ai envie qu'on prenne un petit peu le temps d'enrichir notre vocabulaire émotionnel. Et on parlera de la colère, de plein de façons de dire la colère. Oh, et bien, rendez-vous la semaine prochaine dans De l'huile dans les rouages. Au revoir. Au revoir. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.